le bide, un Voltaire au petit déj. Je veux me vider la tête, donc j'emplis mes poumons. J'ai tout donné, donc j'ai plus rien à perdre. Ici tout est réel, chacun son illusion. Cherche la paix à mes esprits et mon corps. Trop de contradictions, à chaque fois je me donne tort. Seul dans ma tête, pas souvent que j'en sors. J'ai de la chance qu'elles disent qu'elles m'aiment encore. J'aime trop m'isoler. Je pense aux erreurs, ça me permet d'avancer. T'as besoin de t'entourer. T'as peur d'être seul, ma gueule, y'a un problème. Tu veux comprendre les autres, tu sais pas qui tu es. D'où vient ta pointe qui se donne la peine. Chaque chose en son temps, faut savoir si tu es. J'aime trop être entouré. J'aime encore plus être seul. La lumière j'ai trouvé en noircissant des feux. J'aime trop être entouré. J'aime encore plus être seul. Pour se découvrir, faut savoir se chercher. Faut savoir qui chercher. Faut savoir qui tu veux trouver. Faut pouvoir s'écouter. Un seul choix peut tout faire bouger. Qui tu veux être est le plus important. Continue toujours dans cette direction. Reste toi-même, fais pas comme tous ces gens. Tu ne seras qu'un reflet en les imitant. Face à moi-même, c'est le combat d'une vie. Je passe beaucoup de nuits à me remettre en compte. Dis ce que tu veux, j'écoute plus, c'est fini. Je me fie au fait, bats les couilles de tes comptes. J'aime voir du monde, mais ça m'oppresse vite. Je reste dans mon coin, loin des gens toxiques. TDAH, je me soigne au stick. Chacun ses méthodes, cherche pas de logique. J'aime trop être entouré. J'aime encore plus être seul. La lumière, j'ai trouvé en noircissant des feux. J'aime trop être entouré. J'aime encore plus être seul. Pour se découvrir, faut savoir se chercher.